106e leçon. On déménage. La prochaine étape, le déménagement. Claude commence par acheter le journal des particuliers. Mais, n'ayant rien trouvé d'intéressant, elle décide de contacter une agence immobilière. Bonjour madame. Voilà, je suis à la recherche pour mon mari et moi d'un pavillon près des Ulysses, de préférence avec un jardin. Est situé dans un village avec des commerces. Combien de pièces vous faut-il? Il nous faut un grand séjour, deux chambres et une cave. En plus, il faut absolument un garage, une cuisine aménagée et le chauffage central. Et quel loyer êtes-vous prêt à mettre? Oh, pas plus de 1 000. Je pense qu'il faut que vous soyez un peu moins exigeant. À ce prix-là, il vaut mieux envisager un appartement. Et pourquoi pas à Paris? Vous pouvez prendre le RER pour aller aux Ulysses. Justement, j'ai un 3 pièces avec cuisine et salle de bain dans le 14e pour 1 000. Il y a un bail de 3 ans avec 1 mois de caution et 2 mois de loyer. Vous voulez le visiter? Il faut que je demande à mon mari. Je vous rappelle demain. Jean-Michel, que penses-tu d'un appartement plutôt qu'une maison? C'est plus facile à entretenir. Mais on avait dit qu'on voulait un pavillon, non? Pourquoi as-tu changé d'avis? À cause du loyer. Un appartement coûte moins cher qu'une maison. Bon argument. D'accord. J'appelle l'agence à la 1 h demain matin. Exercice. Il me faut un 2 pièces avec une cuisine aménagée dans le 3e. Combien es-tu prête à mettre? Pas plus de 500. Il faut que nous soyons un peu moins exigeants. Je voudrais louer un pavillon, mais de particulier à particulier. Justement, j'ai l'appartement qu'il vous faut.